nothing to do. I'm gonna get myself a new tattoo. Ain't no roses gonna do. I'm gonna get myself a bluebird to remind me of you. He ain't gonna go on my arm on my back. No, this bird don't fly with the rest of the pack. There'll be no drinking Joe or Jack. And he won't fly away and forget to come back. No, he won't fly away and leave his home. No, he won't fly away and leave his home. No, he won't fly away and leave his home. He'll stay by my side. Salut, vous écoutez le carnet de notes de Luc Saint-Élie. Le site est à http://blogblog.saintelie.com. Sur ce site, vous pouvez me payer vos impôts, écrire au Père Noël, lire les notes que je poste régulièrement, y répondre, trouver que c'est bien, trouver que c'est pas bien, expliquer pourquoi c'est pas bien ou raconter ce que vous avez à dire dans la mesure où c'est un minimum intéressant. You went away, and this here bird just found out how to play. And he's no drag, you don't bring me down. And so I shake my bluebird every night on the town. No, he won't fly away and leave his home. No, he won't fly away and leave his home. No, he won't fly away and leave his home. He'll stay by my side. La jeune femme que vous venez d'entendre, dont la voix est aussi sympathique que le physique, s'appelle Circe Link. La chanson, elle, s'appelle Bluebird Tattoo. Et vous trouverez dans la liste de liens qui accompagnent cette note l'adresse de son site. Commencer par quelques notes sur le Nikon D70. J'avais posté quelques avis, mes premières réactions à cet appareil lorsque je l'ai eu sur mon site, et les notes qui concernent le D70 sont parmi celles qui sont les plus lues. Donc c'est l'occasion de refaire un petit point dessus. Après, je n'ai plus la date en tête, mais ça doit faire quelque chose comme pas très loin d'un an ou un petit peu moins d'utilisation. Tout d'abord, en ce qui concerne son concept global, le D70, c'est un bon appareil, mais qui a la particularité d'être très marqué Nikon. Avis très personnel, le D70, c'est en gros, pour ceux qui ont pratiqué Nikon à l'époque, argentique, c'est un F801 numérique. Il a exactement, à quelques détails près, l'ergonomie du F801, le même type de finition à la fois milieu de gamme et très soigné, et ce côté très orienté vers les fonctions photo qui peuvent être extrêmement déroutants au début. Alors ça, c'est vraiment la culture de Nikon qui date de ses tout débuts. Nikon fait des appareils, ou du moins vend ses appareils milieu et haut de gamme à des professionnels. Ça n'empêche pas que plein d'amateurs utilisent des Nikon, mais la conception des Nikon sont faites pour des professionnels et pas n'importe lesquels, pour faire du reportage. Et la disposition des commandes, l'ergonomie générale de ces appareils est très marquée par ça. Par opposition, par exemple, en exemple caricatural, à Canon, qui depuis sa gamme EOS, a des ergonomies qui sont peut-être plus modernes, dans certains cas de figure plus intuitives, plus dans la mouvance informatique, console de jeu, etc., etc., et sans doute moins déroutante pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude des réflexes. Donc autant quelqu'un qui connaît bien les réflexes Nikon, qui les a déjà pratiqués à l'époque de l'argentique, va se sentir relativement immédiatement à l'aise avec un D70. Moi, le mien, je crois pas avoir déjà ouvert le mode d'emploi autrement que par curiosité pour le mien. Je n'ai pas souvenir d'avoir cherché une fonction dans le mode d'emploi. Quand on a l'habitude de cette façon d'aborder les appareils, tout est à peu près intuitif. En revanche, j'imagine que pour un nouveau venu au réflexe, le D70 doit être relativement déroutant, alors qu'un 300D par exemple ou un EOS 10 sera sans doute plus facile à appréhender et paraîtra d'une conception plus logique. Le gros avantage de cette approche de Nikon, c'est que tout ce qui concerne la photo est situé de manière extrêmement intuitive, extrêmement facile d'accès, extrêmement normale, je dirais. L'inconvénient de cette approche, c'est que tout le reste est souvent organisé de façon qu'on peut qualifier d'abracadabrantesque dans certains cas de figure, et c'est presque gentil de dire ça. Donc l'ergonomie Nikon, elle est typiquement comme ça, mais c'est pas d'aujourd'hui, les Nikon ont toujours été plus ou moins comme ça. Tout ce qui est fonction photo, on l'a sous le doigt, le reste, parfois c'est un peu sous les doigts de pied. Au chapitre des qualités du D70, la première qui saute aux yeux, qui saute aux doigts, lorsqu'on le prend en main, c'est sa qualité de fabrication. Si on regarde des appareils de ce même niveau de gamme, prendre le Canon 300D, le Pentax ISTD par exemple, qui sont deux appareils bien finis pour le Pentax, un peu jouets pour le Canon, le Nikon est nettement au-dessus alors qu'il se situe dans la même zone de prix. Ça, la qualité de fabrication, c'est vraiment un de ses arguments forts, y compris celle du 1770 qui est livré avec en kit. L'objectif également est extrêmement bien fabriqué. Un des avantages de ces choix qu'a fait Nikon en matière de fabrication, c'est que le D70 est assez lourd. Alors ça va peut-être faire un peu bondir que je classifie ça dans les avantages. La conséquence, c'est qu'on peut descendre relativement bas en temps de pose avec le D70 sans qu'il bouge. Avec un petit peu d'habitude en grand angle, on peut faire du quart de seconde. J'ai publié dans un magazine il n'y a pas très longtemps une photo de faire un quart de page qui était faite au tiers de seconde. Elle est nette. Si on l'avait agrandi en 18-24 par exemple, effectivement la netteté commençait à voir qu'il y avait des imperfections. Mais on peut descendre très bas. Ce poids du D70 se marie bien avec un équilibre qui est plutôt excellent. Et le tout contribue à être très stable. Moi, j'aime bien les appareils qui sont stables, même s'ils sont un petit peu plus lourds, par opposition aux trucs légers, mais qui gigotent dans tous les sens. Donc, globalement, un des points forts, c'est sa qualité de fabrication. Le deuxième, c'est son ergonomie globale pour ce qui concerne les commandes photographiques. Là aussi, on a tout sous la main, tout le temps. On cherche pas les boutons, les commandes. Tout se passe très très bien. La qualité du zoom livré en kit également fait partie des qualités du D70, surtout lorsqu'on voit ce qui se passe chez les autres. Le zoom qui accompagne le Pentax, les Pentax, le zoom standard, c'est pas une merveille. Le petit zoom Canon est gentil, mais pas tellement plus. Tandis que le 1870 déforme pas mal en grand angle, mais pour le reste, il est vraiment très bon et cette déformation en grand angle, c'est quelque chose qu'on peut corriger. Et autre qualité de ce D70, alors que moi j'apprécie énormément, surtout avec ces appareils numériques qui sont extrêmement dépendants de leur source en énergie, c'est son autonomie. En utilisation normale, pour venir à bout de la batterie, il faut vraiment, vraiment, vraiment taper dedans. Il n'y a qu'une chose qui la met à plat rapidement, c'est lorsqu'on le connecte en USB à capture. Alors ça, j'ignore pourquoi, mais ça vide la batterie à une vitesse stratosphérique. Mais en usage normal, vraiment, j'ai jamais fait de compte exact, mais on doit pouvoir faire 300-400 photos, mais alors sans problème, probablement plus, avec une batterie. Ça, c'est vraiment un des points qui rendent l'appareil très agréable. En gros, on passe pas son temps à le recharger. Sur le plan des défauts, le premier qui saute aux yeux avec le D70, et c'est vraiment le cas de le dire, c'est son viseur. Alors c'est un peu général dans tous les appareils de cette catégorie, mais vraiment Nikon aurait pu se casser un petit peu, le viseur du D70 est à proprement parler épouvantable. Personnellement, j'aime pas l'autofocus, enfin c'est une question de culture, j'ai toujours fait des photos avec la mise au point mise au point naturelle, c'est vraiment un peu de ça dont il s'agit. J'avais commencé à aborder le D70 en me disant bah c'est bien, je peux mettre mes vieux objectifs dessus, je ferai la mise au point à la main, c'est super. À l'usage, j'en suis revenu et du coup, je me sers du 1870 parce que c'est complètement facile fastidieux de faire une mise au point avec. Le viseur est minuscule, il est sombre, il n'y a pas d'assistance dedans au sens traditionnel du terme, de stigmomètre à champ coupé ou de champ de microbrisme, de choses comme ça. Ce qui veut dire que faire la mise au point à la main, ça revient à utiliser l'assistance de l'autofocus qui allume une petite lampe verte quand la mise au point est faite. Donc tant qu'à utiliser l'assistance d'autofocus, on en vient rapidement à dire que c'est aussi bien de laisser faire l'autofocus tout seul. Et ça, c'est vraiment dommage. Je sais pas pourquoi ces réflexes de cette catégorie-là ont des viseurs aussi miteux, mais il faudrait vraiment qu'un fabricant trouve une astuce. L'argument du capteur qui est plus petit que le film tient pas. Ils auraient pu être un peu inventifs là-dessus pour avoir un viseur qui soit large, clair, lumineux et qui permette de faire une vraie mise au point, voire même un vrai cadrage dans certains cas. Ça, c'est un vrai défaut du D70. Il n'est pas le seul, mais peut-être que dans son cas, c'est un peu moins pardonnable. Le deuxième, c'est que Nikon est très fidèle, relativement fidèle avec sa baïonnette, fidèle à sa baïonnette, ce qui n'a pas que des avantages, mais on peut monter, quitte à ne pas avoir de cellules, mais un peu n'importe quel objectif sur n'importe quel Nikon. La seule pénalité, c'est éventuellement qu'on n'a pas tous les modes de mesure, voire même pas de mesure du tout. Sur le D70, on peut monter des vieux objectifs, des AIS notamment, c'est-à-dire les objectifs à la mise au point manuelle. Et on perd la cellule dans ces cas-là, ce qui est pas complètement dramatique en numérique. Bon, j'ai fait quelques photos comme ça, pas des wagons, mais j'en ai fait comme ça. Tant qu'il s'agit pas de faire une photo d'instinct, il suffit de faire une première prise de vue en jugeant à peu près au pifomètre l'exposition, de regarder l'histogramme sur l'écran et de corriger en conséquence. En pratique, c'est extrêmement jouable. Bien sûr, c'est pas jouable si vous voulez pouvoir déclencher instantanément, puisqu'il faut faire au minimum une vue de contrôle, mais autrement, pour plein d'applications, c'est très jouable. Alors, il y a même des cas de figure où quelqu'un qui fait du paysage, par exemple, je suis pas certain que les systèmes de mise au point à 423 zones avec 250 milliards d'algorithmes très compliqués soient des choses tout à fait indispensables. On doit pouvoir se passer très bien de tout ça, et dans ce cas-là, on peut utiliser des objectifs anciens, ce qui est plutôt une bonne chose. En revanche, si Nikon est très fidèle donc à sa baïonnette, il l'est beaucoup moins à son système de flash, ce qui est un peu gonflant à la longue, parce que les flash Nikon sont souvent excellents, plutôt mieux que ce qui se passe chez les concurrents, sauf que comme à chaque génération d'appareil, Nikon change ses flashs, donc on paye une fortune un flash qui effectivement a des perfs formidables, mais qui marche plus avec la génération suivante. C'est le cas par exemple de celui qui était un petit peu le haut de gamme dans les derniers temps de l'argentique, c'était le SB24 par exemple, qui ne fonctionne pas avec le D70, ou du moins fonctionne soit en mode complètement manuel, mais c'est un peu con d'avoir un SB24 pour ça, soit en automatique, c'est un peu pareil, c'est plus l'appareil qui prend en charge la mesure, c'est la petite cellule qui est sur le flash. Alors, ce fait qu'on se retrouve avec un SB24 qui fonctionne comme n'importe quel flash à 2,50 francs, c'est un peu rageant presque plus sur le principe que sur le résultat, puisque là encore, à l'usage, on a moins besoin en numérique d'un système sophistiqué avec le flash. Il suffit de filer un premier coup de flash, de voir ce que ça donne et de corriger en conséquence. Donc il y a peut-être que les gens qui font du reportage qui peuvent trouver ça pénible, mais pour un usage amateur standard, c'est pas dramatique. Mais simplement, c'est rageant de voir que du matériel qui a été payé extrêmement cher il n'y a pas si longtemps que ça, aujourd'hui, ils n'ont pas trouvé de moyen peut-être même qu'ils ont délibérément trouvé le moyen de ne pas le faire fonctionner avec ce type d'appareil. Ça, c'est vraiment dommage. Autre défaut de cet appareil, qui est un défaut qu'avaient déjà les appareils de la génération 801, 90, etc., c'est qu'il n'a pas de poignée verticale. Ça, c'est dommage, parce que la poignée verticale, c'est quand même très pratique avec un déclencheur déporté. Là, le D70 n'en a pas, ce qui fait que pour faire des photos verticales, faut lever le coude. C'est pas toujours très, très, très pratique, et je suis pas sûr que d'un point de vue technique, ça engageait à des trucs de fou de rajouter de sous l'appareil les prises nécessaires à fabriquer une poignée verticale. Puis le dernier défaut de ce D70, qui est un défaut mesquin, c'est vraiment de la mesquinerie pure de la part de Nikon, c'est que Capture, le logiciel Nikon Capture, soit vendu séparément. Si vous achetez un D70, si vous êtes livré avec Nikon View, qui est un gentil organisateur de vos photos, pas une merveille, bon, il est pratique, sans plus, Et pour pouvoir utiliser vraiment le D70 à plein potentiel, il faut faire du fichier RAW, avec tous les réflexes, classiques, quoi. Chez Nikon, les fichiers RAW s'appellent NEF. Et le logiciel qui est prévu pour travailler ces fichiers RAW s'appelle Nikon Capture, et lui il faut l'acheter séparément, et ça c'est vraiment d'une mesquinerie absolue. Par exemple, Canon lui fournit au moins des versions de base de ces softs de traitement des fichiers RAW. C'est vraiment vraiment vraiment dommage, d'autant que Capture est un logiciel qui est très très très bien foutu et qui pour un amateur a un intérêt évident. Il est évident parce que la disposition de ses fonctions est encore une fois très photographique, il n'y a pas besoin d'avoir fait des études d'ingénieur pour pouvoir utiliser Capture. Quand on l'ouvre, tout tombe à peu près sous la main, tout se trouve à l'endroit où logiquement il devrait se trouver. Et je pense que Nikon aurait pu, s'ils veulent vraiment faire du pognon en grattant un peu sur les côtés, au moins fournir une version de base qui assure le minimum et qui soit livrée avec le logiciel, et une version plus sophistiquée pour les applications professionnelles qui seraient donc vendues séparément. Mais obligé à acheter Capture à part, ça veut dire qu'il est très probable qu'un bon nombre de proprios de D70 ne vont pas l'utiliser, et ça c'est vraiment ridicule, tout à fait ridicule. Par ailleurs, Capture est accompagné d'un petit utilitaire qui s'appelle Capture Control, qui est lui aussi quelque chose de vraiment bien. C'est un soft qui a priori est destiné à déclencher l'appareil depuis le Mac ou le PC, ce qui en usage amateur a un intérêt relativement modéré. C'est un intérêt énorme en studio, mais pour un usage amateur c'est pas terrible. En revanche, il a une fonction qui est vraiment géniale, c'est que toutes les commandes du D70 peuvent être configurées depuis Capture Control. Pour prendre un exemple, moi, le flash intégré du D70 est épouvantable, comme tout bon flash intégré qui se respecte. On ne peut pas avoir une lumière correcte avec des réflecteurs de cette taille-là. Et moi, j'utilise le mien à moins un tiers, moins un demi diaphragme, pour être sûr que c'est pas le flash qui va être l'éclairage principal. Il sert juste à bloquer un petit peu les premiers plans. Il doit être possible de régler ça depuis l'appareil, très vraisemblablement. Ça doit être marqué quelque part dans le manuel. En tous les cas, personnellement, j'ai jamais compris comment ça fonctionnait. Donc pour ajuster mon flash lorsque je veux le faire, je connecte le D70 à mon iBook et en 3 clics de souris, le flash est configuré correctement et avec une possibilité de se tromper à peu près nulle. Et que Nikon ne fournisse pas cet utilitaire en standard avec son appareil, alors ça c'est vraiment, c'est ridicule, c'est pire que mesquin, c'est tout à fait ridicule. Je disais tout à l'heure que Nikon avait parfois des concepts ergonomiques pour ce qui ne touche pas directement les fonctions photographiques. Un petit peu curieux, il y en a un qui me vient à l'esprit, c'est la gestion de la zone autofocus. L'autofocus sur le D70, c'est pas un foudre de guerre. L'autofocus n'a jamais été la spécialité de Nikon et c'est pas le D70 qui va apporter une nouvelle ère en la matière. Mais il fonctionne, disons. Il fonctionne très honnêtement. Mais bon, sans plus. Et cet autofocus, on peut le configurer de différentes façons, et notamment on peut définir la zone sur laquelle le point va être fait. Alors il y a différentes fonctions qui permettent de savoir si c'est sur cette zone exactement ou si c'est les endroits les plus proches de cette zone, etc., etc. Enfin bon, là on tombe un petit peu dans l'enchaussage de mouches, et donc en gros on peut le mettre à droite, à gauche, en haut, en bas ou au milieu. Pour le définir, tout en prenant des photos, il y a un bouton multifonction, une espèce de bouton à la mode joystick, c'est-à-dire qu'on fait pivoter avec le pouce, et qui permet, en théorie, tout en gardant l'œil au viseur, de changer cette zone. Et la zone s'affiche légèrement, s'éclaire un petit peu dans le viseur. Donc ça, c'est pour la théorie. Ça fait que c'est extrêmement bien conçu, puisqu'on peut, on a conservé l'index sur le déclencheur, et avec le pouce, en cas de besoin, on peut changer la zone de mise au point. Un cas typique d'utilisation, c'est si on fait des photos téléobjectifs, avec un sujet qui se déplace, on va vouloir décentrer le sujet pour donner une sensation de vitesse et donc faire une mise au point sur le côté. Donc à ce moment-là, un petit coup de pouce et le collimateur de gauche ou de droite va être pris en compte. Ça, c'est la théorie. En pratique, ce bouton, il sert aussi à commander l'affichage lorsqu'on est en mode affichage. C'est-à-dire que lorsque vous faites défiler les photos déjà prises sur l'écran, avec ce bouton, on peut passer en appuyant en haut ou en bas sur la photo avant ou après, et en appuyant sur les côtés, on peut soit avoir uniquement l'affichage, soit avoir les données EXIF, soit avoir l'histogramme et quelques autres données avec. Or, le bouton qui déclenche la bascule de l'appareil en mode affichage des photos prises, il est, ou tout au moins chez moi, exactement placé sous mon arcade sourcilière gauche. Ce qui donne la chose suivante, c'est à mourir de rire. Prends des photos avec l'appareil contre le front. Une fois sur deux, en appuyant un peu trop fort avec la tête, je bascule l'appareil en mode affichage des photos prises, ce qui est pas gênant, il affiche tout seul dans son coin, mais bon, ça c'est pas très très grave. Mais du coup, cette espèce de bouton qui est censé changer les collimateurs, il ne sert plus à changer les collimateurs. Pendant ce temps, il est en train de changer l'affichage de photos que je peux pas voir de toute façon, puisque l'écran est contre ma joue. Et donc, ça m'est arrivé, maintenant j'ai pris le coup, dès que ça marche plus, je m'arrête et je rappuie sur le bouton qui annule l'affichage des photos prises. Et alors j'ai passé quelques fois des trucs à la limite de la crise de nerfs au début, où j'étais en train de prendre des photos, d'un seul coup je voulais changer le collimateur, hop, je bascule mon petit bouton, et ce bouton ne fait rien, et le collimateur reste exactement où il était. Et j'ai mis pas mal de temps avant de comprendre qu'en fait ce qui se passait, c'est que tout simplement, si j'appuyais un peu trop la tête sur le boîtier, mon bouton il fonctionne plus pour le changement de collimateur. Ça c'est typiquement le genre de manip qui est vraiment une erreur ergonomique de base bête. Si les ingénieurs qui ont conçu le truc avaient essayé de faire une photo avec, alors sauf à ce qu'ils aient vraiment des arcades sourcilières particulièrement microscopiques ou concaves, ils s'en seraient aperçus immédiatement de ce genre de truc. Et ça c'est des choses sur lesquelles Nikon se prend les pieds à date à peu près régulière. Le bilan global de cet appareil, du D70, c'est que le D70 est un excellent appareil, sympa, efficace, pratique, qui fonctionne non seulement très bien, mais qui fonctionne de manière intuitive. Encore une fois, sous réserve d'avoir intégré cette philosophie un peu Nikon et de ne pas être un fanat de fonctions périphériques, qui donne des résultats excellents pour peu qu'on photographie en RAW. Non pas qu'il puisse donner de mauvais résultats en JPEG, mais tout simplement parce que j'en sais rien. Je trouve qu'utiliser un réflexe pour faire du JPEG, c'est un peu stupide. Il vaut mieux utiliser un compact pour ça. Sauf si on est un professionnel et qu'on a des impératifs qu'il faut blablabla. Pour un usage perso normal, le RAW c'est beaucoup plus sympa, on peut faire exactement ce qu'on veut avec. Et dans ce cadre-là, le D70 est un excellent choix. Personnellement, si c'était à refaire, je le referais sans la moindre hésitation. À propos de cette histoire de RAW et de JPEG, je conclus cette note audio sur le D70 par une petite remarque que j'avais faite, qui elle aussi a eu pas mal de succès, m'a valu quelques lettres d'injure, etc. C'est sur le comparatif entre un réflexe et un compact. Je suis, à titre personnel, convaincu que le réflexe n'est pas forcément un appareil destiné à tout le monde, et que si c'est pour faire des photos de famille, c'est pas péjoratif. D'une part, et si on n'est pas intéressé par les principes de base de la photo, si on veut juste une boîte sur laquelle on appuie et qui donne des bonnes images, un compact, ça sera toujours supérieur à un réflexe. C'est dû à des causes qui sont assez évidentes en numérique, qui ne l'étaient pas forcément avec du film. Mais alors en numérique ça se vérifie à chaque fois. J'ai eu l'occasion de le vérifier également sur un plan purement technique pour un magazine pour lequel je travaille. On a fait des tests très soignés, très très précis, très ponctuels, presque maniaques, en prenant des compacts haut de gamme et des réflexes en kit avec leur objectif livré dans le kit. Dans un grand nombre de cas, le compact va donner des images qui seront jugées meilleures. Le juger meilleur étant quelque chose d'assez important. Par exemple, si on regarde les images très agrandies, il est évident que les compacts ayant des capteurs plus petits ont des images qui ont plus de bruit. Le problème, c'est que pour les gens qui vont faire des 10-15 ou des 13-18, ils s'en apercevront jamais. Les compacts ont des images qui sont déjà traitées directement en sortie, qui sont faites pour être flatteuses, alors que les réflexes donnent des images en général plutôt douces et qui sont faites pour être photoshopées derrière. Résultat des courses, là aussi, si on imprime directement ce qui sort de l'appareil, dans la majorité des cas, le compact donne des images plus sympas. À ça, faut ajouter que les compacts haut de gamme ont des objectifs qui sont pas toujours mauvais et qui en plus ont pu être, puisque le compact est un truc fermé, complètement calculé en fonction de ce qu'il y a derrière, alors que les zooms celui du Nikon étant un cas un peu à part, mais les zooms livrés en kit varient fréquemment du très mauvais à l'épouvantable. Et ça, c'est un peu dommage parce que, vu le prix de ces engins, il est très probable qu'une proportion non négligeable des gens qui achètent des réflexes vont les utiliser exclusivement et peut-être pendant pas mal de temps avec le zoom qui est livré en kit. Et les résultats que donne cette association réflexe et zoom moyen sont, une fois sur deux, pour pas dire deux fois sur trois, plutôt inférieurs à ce qu'aurait donné un bon compact. Donc la conclusion de tout ça, c'est que le réflexe, c'est pas forcément une fin en soi, que si c'est pour faire de la photo familiale sans se prendre la tête, ça vaut vraiment le coup, de réfléchir, parce qu'entre un bon compact et un réflexe, il y a quand même 500 euros d'écart, c'est pas tout à fait négligeable. Enfin, si c'est négligeable pour vous, vous pouvez me les envoyer, mais autrement, c'est pas négligeable, et que un réflexe, ça prend du sens avec un bon objectif et un traitement de l'image derrière. Et tout le monde, et pour des raisons compréhensibles, il n'y a rien de péjoratif là-dedans, n'est pas prêt à ça. Si on n'est pas prêt à ça, ça vaut vraiment le coup de se poser la question, est-ce que le réflexe, c'est vraiment un truc pour moi ?